Chapitre 15e. Patrons et ouvriers. Mr. Hale dit le lendemain à sa fille : Marguerite, il faut que nous allions voir Mrs. Thornton. Ta mère ne se sent pas assez forte pour nous accompagner jusque-là, mais nous irons tous les deux faire cette visite aujourd'hui même. Tout en marchant, Mr. Hale commença à parler de sa femme avec un sentiment d'inquiétude que Marguerite fut bien aise d'avoir enfin éveillé. As-tu fait venir le médecin, mon enfant ? « L'as-tu consulté ?»« Non, papa. Vous m'aviez dit de le faire demander pour moi, ce qui était parfaitement inutile. Mais si je connaissais un bon docteur, j'irais le chercher moi-même aujourd'hui, et je le prierais de donner ses soins à ma mère, qui est sérieusement indisposée. »« Crois-tu donc qu'elle nous ait caché ses souffrances ? Penses-tu qu'elle soit vraiment malade ? Dixon t'aurait-elle confié quelque chose ? Oh, Marguerite, je suis tourmentée d'une crainte affreuse. » J'ai peur que notre départ de Halstone n'ait tué ma pauvre Maria. Ne croyez pas cela, papa. Ma mère est très souffrante, mais plus d'une personne a été dans le même état et s'est rétablie avec de bons soins et de bons conseils. Dixon ne t'a rien dit, bien sûr. Non, papa, vous la connaissez. Elle aime à faire des cachotteries à propos des moindres choses et s'est montrée comme toujours un peu mystérieuse au sujet de la santé de maman. Cela m'a effrayé, il est vrai, mais sans motif. Vous m'avez dit vous-même que j'étais un peu folle. Je veux le croire, mon enfant, mais ne le prends pas en mauvaise part. J'aime à te voir préoccupé de la santé de ta pauvre mère. Ne crains pas surtout de me parler de tes inquiétudes. Elles m'intéressent vivement, bien que parfois elles semblent m'irriter. Nous demanderons à Mrs. Thornton de nous enseigner un bon docteur. Il ne faut pas dépenser notre argent sans être sûr d'avoir le premier médecin de la ville. Attends. Je crois que c'est dans cette rue que nous devons nous arrêter. » La rue dont parlait Mr. Hale n'avait pas l'air de pouvoir contenir une maison assez grande pour loger Mrs. Thornton. L'extérieur de son fils ne faisait naître aucune idée sur le genre d'habitation qu'il pouvait avoir. Mais Marguerite s'était figurée instinctivement que cette grande et massive Mrs. Thornton, si magnifiquement habillée, devait avoir une maison qui ressemblât tout au moins à sa toilette splendide. La rue dans laquelle ils entraient était composée de petites maisons, séparées à divers intervalles par un grand mur et ne laissait pas soupçonner qu'une famille riche pût y être logée. Il m'a pourtant bien dit qu'il demeurait dans Marlborough Street, dit Mr. Hale d'un air embarrassé. Cela rentre peut-être dans son système d'économie d'avoir une petite maison, répondit Marguerite. Mais la rue est pleine de monde et nous pouvons demander. On lui répondit que Mr. Thornton demeurait à côté de son usine, et on lui montra la loge du portier de la fabrique dont la porte se trouvait à l'extrémité de l'un de ces grands murs qu'elle venait de remarquer. À côté de cette porte, qui ressemblait à celle d'un jardin, s'en trouvait une grande, fermée pour le moment et destinée à la circulation des ballots et des charrettes. Le portier les introduisit dans une grande cour oblongue, ayant à droite le comptoir et les bureaux, à gauche, une immense manufacture aux nombreuses fenêtres, d'où s'échappait le bruit assourdissant des machines et le rugissement de la vapeur. En face du mur de la rue, occupant l'un des petits côtés de la cour, était une belle maison couverte en pierre, noircie par la fumée, et dont néanmoins les contrevents, les portes, les fenêtres et les marches étaient d'une propreté scrupuleuse. Cette maison était évidemment bâtie depuis 50 ou 60 ans. La façade en pierre, les fenêtres étroites, leur nombre, les dispositions du perron, témoignaient assez de l'époque où elle avait été construite. Marguerite s'étonnait seulement que des personnes qui avaient assez de fortune pour avoir une aussi belle demeure n'eussent pas mieux aimé vivre plus modestement à la campagne ou dans quelque faubourg que de subir le voisinage étourdissant d'une fabrique. La cour elle-même, fermée de cette haute muraille qui limitait la vue, n'offrait au regard qu'une triste perspective, ainsi que le pensa Marguerite lorsqu'elle fut arrivée dans le salon, dont les trois fenêtres n'avaient pour horizon que ce grand mur et les deux portes dont il était percé. On eût dit que personne n'était entré dans ce salon depuis le jour où les meubles en avaient été empaquetés, ce que l'on avait fait avec autant de soin que si la maison avait été destinée à être enterrée sous la cendre, comme Pompéi, et découverte dans quelques milliers d'années. Les murailles étaient roses et or. Le tapis, à fond blanc, parsemé de bouquets de fleurs, était caché dans le milieu par une toile blanche et lustrée, et le divan, chaque fauteuil, chaque chaise, étaient garnies d'un voile de tricot ou de filet. De grandes statuettes d'albâtre occupaient les tables et les consoles, où elles déployaient leur grâce à l'abri de cloches en verre qui les préservaient de la poussière. Au milieu du salon, sur une grande table ronde placée au-dessous d'un grand lustre embobiné de mousseline, étaient symétriquement rangés de beaux livres magnifiquement reliés, dorés sur tranches, le tout recouvert d'une gaze à demi transparente. Tous les objets qui étaient dans cette pièce réfléchissaient la lumière. Pas un n'en absorbait le moindre rayon, et l'aspect brillant de ce salon produisit sur Marguerite une impression tellement désagréable qu'elle ne songea pas même aux soins constants et dispendieux qu'exigeaient ces rideaux de dentelle et toutes ces housses pour conserver leur blancheur immaculée au milieu de cette atmosphère pleine de suie et pour obtenir cet effet de neige dont elle était si péniblement affectée. Chacun de ces regards rencontrait une preuve évidente de la peine que l'on avait prise, non pas pour se procurer plus de bien-être, mais pour orner cette pièce et pour empêcher ensuite chaque ornement de se salir ou de s'user. Ils purent à loisir observer les lieux et parler à voix basse en attendant Mrs. Thornton, qui ne se pressait pas d'apparaître. Ils s'entretenaient de choses insignifiantes que tout le monde pouvait entendre, mais c'est l'un des effets que vous produisent de pareilles pièces, de vous faire baisser la voix, comme si l'on craignait d'en éveiller les échos habituellement silencieux. Mrs. Thornton arriva enfin, vêtue comme à l'ordinaire d'une robe de soie noire magnifique, et portant des broderies et des dentelles dont l'éclat rivalisait de blancheur avec la gaze et le filet qui couvraient les meubles du salon. Marguerite expliqua le motif qui avait empêché sa mère de les accompagner. Mais la crainte d'augmenter l'inquiétude de son père la fit glisser rapidement sur ce douloureux sujet, et Mrs. Thornton en tira cette conclusion que la maladie plus ou moins grave de Mrs. Hale se bornait à une migraine de commande toujours au service des grandes dames et que l'on aurait fort bien mise de côté si la chose en avait valu la peine. D'ailleurs, en supposant que cette excuse fût réelle, la visite pouvait se remettre et se rappelant qu'elle avait loué des chevaux tout exprès pour aller voir ses Hale et que son fils avait exigé que Fanny l'accompagnât, malgré son mal de tête, Mrs. Thornton se sentit légèrement blessée et n'accorda aucune sympathie aux souffrances dont lui parlait Marguerite. « Comment se porte Mr. Thornton ?» demanda Mr. Hale. « Le petit billet qu'il m'a écrit hier pour m'annoncer que je ne le verrais pas m'a fait craindre qu'il ne fût malade. « Mon fils est rarement indisposé, » répondit Mrs. Thornton, « et quand par hasard cela lui arrive, il n'en parle jamais, et ne s'en fait pas une excuse pour se dispenser de quoi que ce soit. Il m'a dit qu'il n'avait pas le temps d'aller prendre sa leçon hier au soir. Je suis sûr qu'il l'a regretté, car il apprécie les heures qu'il passe auprès de vous. « Elles me sont également fort agréables, » répliqua Mr. Hale. Je me sens redevenir jeune en lui voyant goûter aussi vivement les beautés de la littérature classique. Je ne doute pas que ce soit une occupation avantageuse pour des gens qui ont des loisirs. Mais j'avoue que c'est contre mon opinion que mon fils a repris ses études. Le temps et les lieux où nous vivons réclament toute son énergie et toutes ses facultés. La littérature classique peut être fort bonne pour ceux qui passent leur vie à la campagne ou au fond d'un collège. Mais les hommes de Milton doivent se consacrer tout entier à leur besogne, qui est assez importante pour les absorber complètement. Voilà du moins ce que je pense, ajouta Mrs. Thornton avec cet orgueil qui singe l'humilité. Mais lorsque la pensée est tendue constamment vers un seul point, dit Marguerite, l'esprit contracte une roideur qui doit le rendre incapable d'embrasser des intérêts variés. Je ne comprends pas bien ce que vous entendez par la roideur qui rend l'esprit incapable d'embrasser des intérêts variés. Mais je suis loin d'admirer ces caractères flottants à tous les vents, qui se passionnent aujourd'hui pour une chose qu'un intérêt nouveau leur fera oublier demain. Des intérêts variés ne conviennent pas à un manufacturier de Milton. Il doit n'avoir qu'un seul désir et employer à son accomplissement tous les moyens dont il dispose. Et ce désir, quel est-il ? Demanda Mr. Hale. Celui de conserver une place honorable parmi les négociants de son pays, répondit Mrs. Thornton, dont le regard étincela et dont la joue brune se colora vivement. Mon fils, reprit-elle, a conquis lui-même cette place honorable. Allez où vous voudrez, je ne dis pas en Angleterre, mais en Europe. Le nom de John Thornton de Milton est connu et respecté de tous les hommes qui sont dans les affaires. Il est vrai qu'on l'ignore dans les cercles fashionable, poursuivit-elle avec mépris. Les ladies et les gentlemen qui ne font rien ne s'occupent pas d'un manufacturier, à moins que celui-ci n'arrive au Parlement ou n'épouse la fille d'un lord. Mr. Hale et Marguerite eurent beaucoup de peine à s'empêcher de sourire en s'avouant à eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ce nom fameux, jusqu'au jour où Mr. Bell leur eut dit qu'il était bon d'avoir Mr. Thornton pour ami lorsqu'on habitait Milton. Le monde de l'orgueilleuse mère n'était pas celui des gens comme il faut de Harley Street, ou des ecclésiastiques et des squires du Hampshire. Marguerite, en dépit de tous ses efforts, laissa paraître sur son visage les sentiments qu'elle éprouvait. « Vous vous dites, reprit la susceptible dame, que vous n'aviez jamais entendu parler de mon illustre fils. Je suis pour vous une vieille femme qui n'est jamais sortie de Milton, et qui s'imagine que, de toutes les corneilles du monde, la sienne est la plus blanche. Nullement, répliqua Marguerite avec vivacité. Je pensais, il est vrai, qu'avant d'habiter cette ville, je connaissais à peine le nom de Mr. Thornton. Mais depuis que je suis ici, j'ai appris assez de choses sur son compte pour l'admirer, et pour savoir que vos paroles ne font que lui rendre justice. Qu'est-ce qui vous a parlé de lui ? Demanda Mrs. Thornton, un peu adoucie par cet aveu de Marguerite, et craignant cependant qu'on n'eût pas dit de son fils tout le bien qu'il méritait. Cette question impérative déplut à la jeune fille, qui hésita quelque temps à y répondre. C'est d'après ce que Mr. Thornton nous a dit lui-même que nous nous sommes fait une idée de sa valeur, répondit Mr. Hale en venant au secours de Marguerite. Mon fils n'est pas homme à parler de ses propres actions, répliqua Mrs. Thornton en se redressant avec hauteur. Puis-je vous demander, Miss Hale, d'après quel témoignage vous vous êtes formé la bonne opinion que vous paraissez avoir de mon fils? Une mère, vous le savez, est avide des éloges qu'on donne à ses enfants. Ce n'est pas ce que nous a dit Mr. Thornton, répondit Marguerite, qui nous fait sentir combien vous avez de motifs de vous montrer fier de lui. Ce sont, au contraire, les détails qu'il nous a cachés en nous parlant de sa jeunesse et dont nous avait instruit Mr. Bell. Mr. Bell, que peut-il savoir de John, lui qui passe sa vie au fond d'un collège où l'on ne fait que manger et dormir? Je ne vous en suis pas moins reconnaissante, Miss Hale. Plus d'une jeune lady scrupuleuse aurait refusé de donner à une vieille femme la satisfaction d'entendre dire qu'on parlait bien de son fils. « Pourquoi cela ? » demanda Marguerite en regardant Mrs. Thornton d'un air effrayé. « Parce que leur conscience leur aurait dit qu'elle se faisait un avocat de la vieille mère, en supposant qu'elles eussent des projets sur le cœur de son fils. » Marguerite éclata de rire et le fit si joyeusement que Mrs. Thornton, à qui la franchise de la jeune fille avait plu, se sentit blessée de la manière dont elle accueillait ses paroles. « Je vous demande pardon, madame, » reprit Miss Hale avec plus de gravité, « et je vous suis infiniment obligé de vouloir bien penser que je ne forme aucun projet sur le cœur de Mr. Thornton. » « De jeunes ladies n'ont pas attendu jusqu'à présent pour chercher à l'obtenir, » dit sèchement la vieille dame. « J'espère que mademoiselle votre fille se porte bien, » dit Mr. Hale afin de changer le cours de la conversation. « Elle ne va pas plus mal que d'habitude, elle n'est pas très forte. » répondit brièvement Mrs. Thornton. J'espère bien voir monsieur votre fils mardi prochain. Il m'est impossible de répondre à cette question. Il se passe dans la ville des faits graves qui peuvent occuper Mr. Thornton d'une manière assez pénible. Nous sommes menacés d'une grève. Si ces menaces se réalisent, John sera certainement consulté par ses amis qui mettront à profit son jugement éclairé. Il se peut néanmoins qu'il aille chez vous mardi. « Dans tous les cas, je suis persuadé qu'il vous avertira s'il ne peut pas s'y rendre. »« Une grève, dans quel but ?» demanda Marguerite. « Pour s'approprier la direction du bien d'autrui. C'est toujours pour cela qu'il se déclare en grève, » répondit Mrs. Thornton d'un ton plein de fureur. « Si les ouvriers de mon fils se coalisent, ce sera une meute de chiens ingrats, et je ne doute pas qu'ils ne le fassent. Ils demandent probablement une augmentation de salaire. » dit Mr. Hale. C'est le prétexte qu'ils donnent, mais au fond, ce qu'ils veulent, c'est de prendre la place des maîtres et de faire de ceux-ci leurs esclaves. Ils n'ont jamais eu d'autre idée, et tous les 5 ou 6 ans la lutte recommence entre les ouvriers et les patrons. S'il croit cette fois y gagner quelque chose, il se trompe fort. Il pourra leur être plus facile de sortir des ateliers que d'y rentrer. Les chefs d'usine ont un projet qui apprendra aux mutins à ne pas se coaliser de nouveau, s'ils réalisent la grève dont ils nous menacent aujourd'hui. « La ville n'est-elle pas alors tout en désordre ?» demanda Marguerite. « Certainement. J'espère que vous n'êtes pas poltronne. Milton n'est pas un bon séjour pour des lâches. Je me suis vu un jour obligé de me frayer un chemin à travers une populace blême et furieuse, qui jurait d'avoir la tête de Mackinson dès qu'il mettrait le pied dans la rue. Le pauvre homme ignorait tout. Il fallait l'avertir ou bien il était mort. J'y allais donc. Mais ce n'était rien d'entrer chez lui. Il fallait en sortir. Et il s'agissait de la vie. Je gagnais les toits, où l'on avait amoncelé des pierres pour les jeter sur la foule au moment où elle essaierait de forcer les portes. Et j'aurais soulevé ces lourdes pierres, que j'aurais lancées aussi bien que pas un des hommes qui était là, si la chaleur ne m'avait pas fait évanouir. Miss Hale, il vous faudra apprendre à être brave si vous restez ici. Je ferai tous mes efforts pour cela, dit Marguerite, que ce récit avait fait pâlir. Je ne sais pas si je suis brave, je ne le saurai qu'en face du péril, mais j'ai bien peur de me trouver sans courage. Les habitants des campagnes du Sud regardent avec effroi ce que nous autres, gens du Darkshire, nous appelons lutter et vivre. Mais quand vous aurez passé 10 ans au milieu d'une population qui a pour ses supérieurs une haine mortelle et qui attend toujours le moment de la leur témoigner, vous saurez, croyez-moi, si vous êtes lâche ou non. Le soir du même jour, Mr. Thornton alla chez Mr. Hale et fut introduit dans le salon où ce dernier faisait la lecture à sa femme et à sa fille. « Je viens, dit Mr. Thornton, vous apporter un billet de ma mère et m'excuser de n'être pas venu prendre ma dernière leçon. Le billet contient l'adresse que vous avez demandée. »« Merci, dit Marguerite en s'emparant vivement du billet, où se trouvait l'adresse du docteur Donaldson, ne voulant pas que sa mère pût se douter qu'ils avaient demandé un médecin. Elle fut touchée de voir que Mr. Thornton paraissait comprendre sa pensée, et lui sut gré de lui avoir donné le billet sans autre explication. Mr. Hale se mit à parler du projet des ouvriers. La figure de Mr. Thornton prit immédiatement une expression qui le fit ressembler à sa mère dans ses plus mauvais instants et qui glaça Marguerite. « Mon Dieu, oui, les fous parlent de se mettre en grève, » disait Mr. Thornton. « Comme ils voudront. Cela fait assez nos affaires. S'ils pensent que le commerce est aussi florissant que l'année passée, ils se trompent. Nous voyons l'orage et nous serrons nos voiles. Parce que nous ne leur expliquons pas les motifs de la manœuvre, ils croient que nous avons tort. Il faudra bientôt leur rendre compte de la manière dont nos employés nous font. Henderson, un manufacturier d'Ashley, a essayé de biaiser avec ses ouvriers. Ça ne lui a pas réussi. Une grève aurait fait son affaire. Il ne désirait que cela. À la demande que ses ouvriers lui adressaient de leur donner 5%, il répondait qu'il y penserait, et que le jour de la paye, on leur rendrait réponse, sachant parfaitement ce qu'il avait envie de faire, mais espérant les affermir dans leurs réclamations. Sur ces entrefaites, les ouvriers, plus fins que lui, apprennent que le commerce va mal, retirent leur demande le vendredi, et voilà Henderson obligé de continuer à fabriquer. Mais à Milton, nous avons déclaré que nous n'avancerions pas un penny. Nous dirons à nos ouvriers que peut-être aurons-nous à diminuer les salaires, et que, dans tous les cas, il nous est impossible de les élever. C'est là que nous en sommes, attendant qu'ils nous attaquent. « Et que feront-ils ? » demanda Mr. Hale. « Une grève générale, c'est du moins ce que je suppose. Vous verrez Milton sans fumer, probablement dans quelques jours, Miss Hale. » « Mais pourquoi ne leur expliquez-vous pas les motifs qui vous font redouter une crise commerciale ? Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donnez-vous à vos domestiques les raisons qui vous font augmenter ou diminuer vos dépenses. Nous sommes les propriétaires du capital et nous avons le droit d'en faire ce que bon nous semble. » « Un droit humain, » dit Marguerite à voix basse. « Pardon, je n'ai pas entendu l'observation que vous avez faite. Je préfère ne pas la répéter. Elle exprime un sentiment que vous ne partageriez pas. Qu'en savez-vous ? Dites toujours. Cette insistance lui déplut. Néanmoins, ne voulant pas avoir l'air d'attacher trop de valeur à ces paroles, j'ai dit que vous teniez des hommes le droit d'agir ainsi. Je ne vois pas en effet de raison, si ce n'est un motif religieux, qui puisse vous empêcher de disposer comme vous l'entendez de ce qui vous appartient. Je sais que nous différons d'opinion à cet égard, mais ne me faites-vous pas l'honneur d'admettre que j'ai des principes religieux, bien qu'ils ne soient pas les vôtres ? Il avait proféré ces paroles à voix basse, et comme s'il avait voulu s'adresser à elle seule. Quant à Marguerite, qui ne désirait pas encourager cet aparté, elle répondit tout haut. « Je ne pense pas que ce soit ici l'occasion d'examiner vos opinions religieuses. Tout ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il n'y a pas de lois humaines qui empêchent les patrons de dépenser leur argent comme ils l'entendent, de le prodiguer follement ou de le jeter à l'eau si bon leur semble. Mais il y a dans la Bible certains passages où il est établi, pour moi du moins, qu'en agissant ainsi, ils manquent à leur devoir de dépositaire fidèle. Toutefois, je suis d'une telle ignorance à propos de grève, de salaire, de travail et de capital, que je ferais beaucoup mieux de ne pas parler de cela avec un homme aussi habile que vous en économie politique. Raison de plus, dit-il avec ardeur, je serais trop heureux de vous expliquer tout ce qui peut sembler anomalie et mystère à quiconque n'a pas étudié la science économique, surtout à une époque où nos faits et gestes vont être discutés sans merci par les gratte-papiers les plus infimes. « Je vous remercie, monsieur, » répondit-elle froidement. « Si quelque chose m'étonne et m'embarrasse dans l'étrange milieu où je me trouve actuellement, j'aurai recours à mon père, qui voudra bien m'expliquer ce que je ne comprendrai pas. »« Étrange milieu, dites-vous, pourquoi cela ?»« Parce que j'y vois deux classes d'individus qui dépendent complètement l'une de l'autre et qui regardent néanmoins leurs intérêts comme tout à fait opposés. Jamais, jusqu'à présent, je ne m'étais trouvé dans un endroit où la population fut divisée en deux bandes sans cesse occupées à se déprécier mutuellement. Qui a déprécié les maîtres auprès de vous? Je ne vous demande pas à qui vous avez entendu dire du mal des ouvriers, car je vois que vous persistez à vous méprendre sur le sens des paroles que j'ai dites l'autre jour. Mais qui, devant vous, a dénigré les maîtres? Marguerite devint toute rouge et répondit en souriant. Je n'aime pas qu'on m'interroge. « Trouvez bon que je ne réponde pas à votre question. Elle n'a aucun rapport avec le fait dont il s'agit. D'ailleurs, vous pouvez me croire sur parole. J'ai entendu dire à plusieurs individus, j'admets que c'étaient les ouvriers, je leur ai entendu dire que c'était l'intérêt des patrons de les empêcher d'amasser un peu d'argent, parce qu'ils seraient trop indépendants s'ils avaient des fonds à la caisse d'épargne. C'est encore cet homme que tu appelles Higgins qui te racontait cela, dit Mrs. Hale. Mr. Thornton ne parut pas avoir écouté cette phrase, que Marguerite désirait évidemment qu'il n'eût pas entendue, mais il n'en garda pas moins le souvenir. Je me suis laissé dire en outre que les chefs d'atelier considéraient comme un avantage d'avoir des ouvriers ignorants et non des avocats de village, comme disait le capitaine Lennox en parlant des hommes de sa compagnie qui discutaient ses ordres, ajouta Marguerite en s'adressant à son père. Qu'est-ce que c'est que le capitaine Lennox ? Demanda instinctivement Mr. Thornton, poussé par un vif sentiment de déplaisir qui l'empêchait de répondre aux paroles de la jeune fille. Si tu t'intéressais davantage aux écoles, Marguerite, dit Mr. Hale, tu saurais combien on s'occupe à Milton de l'éducation des masses. Oui, répondit-elle avec douceur. Je ne visite pas assez les écoles. Mais l'ignorance à laquelle je fais allusion n'a pas de rapport avec ce qu'on apprend en classe. Je ne parle pas de la lecture et de l'écriture, mais de l'esprit de conduite qui doit un jour guider les hommes et les femmes. En un mot, celui qui m'a informé de ces détails semblait dire que les patrons aimaient mieux que leurs ouvriers fussent tout bonnement de grands enfants, n'ayant aucun souci de l'avenir et leur obéissant avec un aveuglement passif. Il est évident, Miss Hale, que la personne dont vous tenez vos informations a trouvé un auditeur parfaitement disposé à croire toutes les calomnies qu'il lui a plu de débiter sur le compte des maîtres, dit Mr. Thornton d'un air offensé. Le cachet de personnalité qu'il attribuait aux paroles de Marguerite déplut à la jeune fille. Elle ne répondit pas, et ce fut Mr. Hale qui s'en chargea pour elle. J'avoue que sans être aussi intimement lié que Marguerite avec aucun ouvrier, je suis frappé de l'antagonisme qui existe entre les chefs d'atelier et les hommes qu'ils emploient. Cette impression résulte même de ce que vous m'avez dit à cet égard. Mr. Thornton demeura quelque temps sans répondre. Marguerite venait de quitter le salon, et il était contrarié de l'espèce d'irritation qui s'était glissée entre eux. Toutefois, l'ennui qu'il en éprouvait, en le rendant plus grave et plus pensif, donna plus de dignité à ses paroles. « J'ai pour théorie, dit-il, que mes intérêts sont identiques avec ceux des ouvriers que j'occupe. J'allais dire avec ceux des bras que j'emploie. Mais Miss Hale n'aime pas entendre appliquer ce mot de bras à des hommes. J'éviterai donc de m'en servir, bien que ce terme fût consacré dans l'industrie avant l'époque où j'y suis entré moi-même. Un jour, dans quelques mille ans, cette unité d'intérêt pourra être mise en pratique. Les hommes vivront alors en pleine utopie. C'est au même point de vue que le gouvernement républicain me paraît le meilleur de tous. Nous lirons la République de Platon dès que nous aurons fini Homère. Lorsque l'humanité en sera venue à réaliser les rêves de Platon, c'est que les hommes, les femmes et les enfants seront propres à la République. Mais aujourd'hui, c'est la marche constitutionnelle qui convient le mieux à l'état de nos mœurs et de notre intelligence. Les hommes, dans leur premier âge, ont besoin d'un gouvernement despotique, et longtemps après leur enfance, ils ont encore besoin d'être dirigés par une autorité ferme, qui les conduise néanmoins à plus de réserve et de douceur. Je suis de l'avis de Miss Hale relativement à nos ouvriers, lorsqu'elle les considère comme de véritables enfants. Mais je nie formellement que ce soit les maîtres qui prolongent leur enfance. Je maintiens que le despotisme est à leur égard la meilleure forme gouvernementale, et j'agis conséquemment en autocrate toutes les fois que je suis en leur présence. J'apporte tous mes soins et toute mon attention à ne leur imposer que des lois justes et à ne prendre que de sages résolutions, non par cette vaine philanthropie dont on a trop parlé depuis quelque temps. C'est pour moi d'abord, pour eux ensuite, que je cherche à diriger mes affaires avec sagesse. Mais je ne veux pas être obligé de décliner les raisons qui me font agir, ou de m'écarter un instant de la décision que j'ai cru devoir prendre. Qu'ils se mettent en grève puisqu'ils y tiennent. J'en souffrirai autant qu'eux, mais ils verront à la fin que je n'ai pas fléchi d'une ligne ou changé un iota aux choses que j'avais décidées. Marguerite avait repris sa place autour de la table et travaillait en silence. « Je suis fort ignorant dans toutes ces matières, répliqua Mr. Hale, mais d'après mes faibles connaissances, je crois pouvoir dire que les masses en sont arrivées à cette période qui, dans la vie des nations comme dans celle des individus, sépare l'enfance de l'âge viril et conduit rapidement à la maturité. Il y a des parents qui commettent une grande erreur lorsqu'ils continuent d'imposer à leurs fils parvenus à cet âge la même obéissance qu'à l'époque où les devoirs des enfants se bornent à venir aussitôt qu'on les appelle et à faire ce qu'on leur dit. Un père éclairé stimule au contraire chez les siens le désir de s'émanciper graduellement et devient leur ami et leur conseil au moment où son autorité n'est plus la règle indispensable de leurs actions. Si mon raisonnement est faux, n'oubliez pas que c'est vous qui avez d'abord adopté cette analogie. On m'a raconté il y a quelque temps, dit Marguerite, un fait qui s'est passé à Nuremberg il y a 3 ou 4 ans. Un riche habitant de cette ville occupait seul une de ces immenses maisons qui servirent autrefois d'habitation et de magasin. Le bruit courait qu'il avait un enfant, mais personne ne pouvait l'affirmer. Ce fut pendant 40 ans un sujet perpétuel de conjectures plus ou moins bien fondées. Bref, à la mort de cet homme, on découvrit qu'il avait un fils, âgé effectivement de 40 et quelques années, mais ayant tout au plus l'intelligence d'un enfant. Son père s'était appliqué à le maintenir dans la plus complète ignorance, afin de le préserver de la tentation et du péché. Qu'arriva-t-il? C'est qu'une fois libre, ce vieil enfant, qui ne savait pas faire de distinction entre le bien et le mal, tomba sous l'influence de tous les mauvais sujets de Nuremberg, et s'abandonna aux excès les plus fâcheux, si bien qu'après 14 mois de débauche, les autorités de la ville furent obligées de l'enfermer et de le nourrir, car il ne savait pas même parler suffisamment pour mendier avec succès. J'ai comparé la position du maître à celle d'un père de famille, reprit Mr. Thornton, et bien que cette comparaison m'ait été suggérée par Miss Hale, je n'ai pas le droit de me plaindre de ce que vous vous en faites une arme contre moi. Cependant, monsieur, quand vous parliez tout à l'heure d'un père que vous nous proposiez pour modèle, Vous disiez qu'il développait chez ses enfants le désir de s'émanciper graduellement afin d'arriver à une complète indépendance. Croyez-vous sincèrement que l'époque soit arrivée pour les bras que nous employons d'agir librement pendant les heures de travail? Il est impossible que ce soit votre opinion, et dès lors nous sommes du même avis. Je regarderais comme injustifiable que nous voulussions imposer notre autorité à nos hommes quand une fois ils sont sortis de l'atelier. Parce qu'ils travaillent pour nous 10 heures par jour, ce n'est pas un motif pour que nous leur mettions des lisières pendant les 14 autres. J'estime tellement ma propre indépendance que je ne vois pas de dégradation plus grande que d'avoir quelqu'un se mêlant sans cesse de vous diriger, de vous sermonner ou même de discuter vos actes. Et quant à moi, je me révolterai immédiatement contre cet odieux personnage, fût-il le plus éclairé et le plus puissant des hommes. Je crois même que ce sentiment est plus prononcé dans le nord de l'Angleterre que dans les comtés du sud. Mais n'est-ce pas parce qu'il n'existe aucune égalité entre celui qui donne les conseils et celui qui les reçoit, parce que chaque individu s'éloigne peu chrétiennement de son frère dont il est jaloux, que cette crainte incessante de voir empiéter sur ses droits est née dans le cœur des hommes? Je constate le fait et je ne le discute pas. Du moins, j'ai le regret de n'en pouvoir rien faire aujourd'hui. Je suis attendu à 8 heures, et il faut absolument que je vous quitte sans avoir répondu à votre objection qui, du reste, ne change rien à ce que nous avons à faire dans l'état actuel des choses. Accordez-moi. Mais cela change tout, au contraire, dit Marguerite à voix basse. Mr. Hale lui fit signe de se taire et de laisser parler Mr. Thornton. Accordez-moi seulement ceci, reprit l'industriel. Un vif sentiment d'indépendance étant donné à chaque homme du Darkshire, ai-je le droit de lui imposer mes vues, chose que je repousserais personnellement de toute mon énergie si quelqu'un l'essayait à mon égard. Le droit de lui imposer mes vues sur la manière dont il doit se conduire, par cela seul qu'il a du travail à vendre et moi, le capital nécessaire pour m'en rendre acquéreur ? Pas le moins du monde, répondit Marguerite. Ce n'est pas une question de commerce, et votre position de capitaliste n'a rien à voir là-dedans. Mais vous avez nécessairement le droit et le devoir de vous occuper de ces hommes, dont l'existence vous est subordonnée par le rejet ou l'emploi que vous faites de leur travail, et dont la vie et le bien-être sont liés si étroitement à votre fortune et à votre bonheur. Dieu nous a créés tous dépendants les uns des autres. Nous pouvons l'ignorer ou refuser de voir que cette dépendance va au-delà du salaire que nous donnons à qui travaille pour nous. Mais la chose n'en existe pas moins. Ni vous, ni aucun maître ne peut se suffire à lui-même. L'homme le plus fier dépend de ceux qui l'entourent, ne serait-ce que par l'influence insensible qu'ils ont sur son caractère et sur sa vie. Le plus indépendant de vos égaux du Darkshire a des individus qui s'attachent à lui de tous côtés et dont il ne peut pas plus se débarrasser que le rocher orgueilleux auquel il ressemble ne peut... Je t'en prie, Marguerite, ne te lance pas dans les comparaisons. Tu vois jusqu'où cela nous a menés, dit son père en souriant, bien qu'un peu mal à son aise en pensant qu'elle retenait Mr. Thornton malgré lui. Mais il se trompait. Celui-ci restait avec plaisir pour écouter Marguerite malgré l'irritation que lui causaient ses paroles. « Miss Hale, êtes-vous toujours sous l'influence ?»« Non, c'est mal poser la question. Mais si vous vous sentez influencé par les autres et non par les circonstances, veuillez me dire si c'est directement ou indirectement. S'ils ont obtenu ce résultat par leurs exhortations, leurs ordres même, ou tout bonnement par leur exemple, en s'attachant à leurs devoirs sans se demander si leurs actions rendraient tel homme industrieux et tel autre économe. Si j'étais ouvrier, je me sentirais bien plus vivement impressionné par la conduite de mon maître, par la pensée qu'il est probe, exact, laborieux, persévérant dans ses entreprises. Et sachez bien que nos ouvriers nous espionnent encore plus que nos valets. Que par n'importe quel conseil relativement à la vie que je mènerais en dehors de l'atelier, quel que fût du reste, la bonne intention qui animerait le conseilleur. Je n'aime pas beaucoup à me donner pour exemple, mais j'attribue la droiture de mes ouvriers et la franchise de l'opposition qu'ils me font, comparée surtout à la manière dont la grève s'organise dans les autres fabriques, au mépris que j'ai toujours eu moi-même pour toute mesure déloyale et cachée. Cela vaut mieux qu'une série de conférences sur ce texte qu'on attend délayer depuis peu. L'honnêteté est la meilleure des politiques. Non, non, croyez-moi, on peut dire, sans exagérer la part du maître, tels patrons, tels ouvriers. C'est une grande concession, répliqua Marguerite en riant. Lorsque je vois des hommes montrer de l'obstination, de la violence dans la poursuite de leurs droits, je puis donc en inférer que leur maître leur ressemble. Car s'il avait mis plus de douceur et de modération dans ses actes, s'il avait été moins jaloux de ses prérogatives, ses ouvriers eux-mêmes auraient été pleins de réserve et de bonté. Vous parlez, Miss Hale, comme tous les étrangers qui ne comprennent pas le jeu de notre organisation, dit Mr. Thornton avec chaleur. Vous supposez que nos ouvriers sont des poupées de cire molle, qu'on modèle au gré de ses désirs. Vous oubliez que nous avons affaire à eux que pendant un tiers à peine de leur existence, et que les devoirs d'un manufacturier sont autrement nombreux et importants que ceux d'un simple manœuvre, que nous avons à maintenir aux yeux du monde une réputation commerciale qui nous fait les pionniers de la civilisation. Vous devriez bien, par la même occasion, dit Mr. Hale en souriant, avancez un peu cette civilisation dans votre propre pays. Ce sont de terribles païens et à l'écorce bien rude que vos hommes de Milton. J'avoue que la médecine à l'eau de rose n'aurait aucun effet sur eux. Cromwell aurait fait un excellent directeur de fabrique, Miss Hale, et je voudrais bien que nous l'eussions au milieu de nous pour tenir tête à cette grève. Cromwell n'est pas un de mes héros, dit Marguerite d'un ton froid. Mais je cherche à concilier votre admiration pour le despotisme avec votre respect pour la liberté des autres. Je veux, dit-il en rougissant du ton qu'elle avait pris, je veux rester le maître absolu, irresponsable, de mes ouvriers pendant les heures de travail. Mais en dehors de l'atelier, nous n'avons plus ensemble aucune relation, et j'ai pour leur indépendance un respect égal à celui que j'exige pour ma propre liberté. Il garda le silence pendant une minute ou deux, puis, maîtrisant la contrariété qu'il éprouvait, il souhaita le bonsoir à Mr. Hale et à sa femme. En s'approchant de Marguerite, il lui dit à voix basse « Je vous ai parlé ce soir avec vivacité, miss. J'ai peur d'y avoir mis un peu de rudesse. Mais vous le savez, je ne suis qu'un manufacturier de Milton, peu habitué à vivre dans le monde. Me pardonnez-vous ce qui a pu vous déplaire dans mon langage ?»« Certainement. » dit-elle en lui adressant un doux sourire qui dissipa les nuages dont leur discussion avait voilé la figure de Mr. Thornton. Mais elle oublia de lui tendre la main. Il ressentit vivement cette omission et crut devoir l'attribuer à l'orgueil de Marguerite.